Salut tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir, et oui, être là, à vous offrir l'excellente musique franco-canadienne, comme cette semaine, je vous offre du Chloé Brault, du Amélie Hall, Julio B, l'album de la semaine, tout un album, Alexandra Strelitzky, du bonbon pour les oreilles. On va entendre également du Ivan, un nouveau extrait pour lui. On va entendre René Ray, il y aura aussi D-Track. Du côté instrumental, Sean Ferguson, Christine Tassan et les Imposteurs. On va entendre Isabelle Longnus, Pontex, Annick Granger et bien d'autres. Que restez là, je vous reviens bien sûr dans quelques secondes avec le Bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, ici Lalonde des ondes, très content d'être là. Et comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous, de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi au Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a également Envol 91 Saint-Boniface Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Envoyez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Voilà. Allons-y avec le Bloc des Maritimes, si vous voulez bien. J'ai reçu cette semaine un album intéressant qui s'appelle Ballade Volume 1. C'est de Adrienne Galland. C'est un projet père-fille assez intéressant parce qu'elle chante les chansons de M. Paul Galland, qui est un bonhomme qui est occupé, il est impliqué dans la francophonie en Nouvelle-Écosse depuis des lunes et des lunes et des lunes. Un homme gentil, sympathique, bien engagé. Donc, on va entendre la pièce Calgary de cet album-là, vraiment intéressant. Par la suite, on va entendre Wes de Chloé Brault pour l'album Love. Eh bien, c'est l'album, l'enregistrement de l'année au prix NB de cette année. Broyé dans tes bras, was a Calgary. Chaque coup de marteau. pièce de Chloé Brault de son album, mini-album Love, qui a été consacré enregistrement de l'année au niveau de la musique NB, la musique du Nouveau-Brunswick, dont le gala, la remise de prix a eu lieu la semaine passée, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment très, très beau prix, très bel enregistrement aussi que vous pouvez vous procurer grâce à Distribution Plage, www.plageavecuns.net. Autre prix qui a été donné en cette soirée-là, il y a Chanson Soquant de l'année, Avant l'hiver, de Danny Boudreau, tiré de l'album Hommage au poète acadien 2. Et c'était sur le deuxième disque. Le deuxième disque était Avant l'hiver. La pièce titre, bien, c'est mérité ce beau prix-là, Chanson Soquant de l'année, pour les auteurs Denis Richard et Danny Boudreau. Et encore une fois, je pense que j'ai partagé ça sur ma page Facebook de Canrock. Il y a une photo de Danny Boudreau qui lève le trophée vers le plafond et regarde le plafond en disant « Merci, Denis ». Donc, Denis Richard qui nous a quittés, malheureusement, il y a déjà un an et demi à peu près. C'était tout un auteur, compositeur, interprète. Et Danny Boudreau avait collaboré à l'écriture de cette chanson-là. Donc, Avant l'hiver, on va entendre ça dans quelques instants. Autre prix, artiste du Nouveau-Brunswick, qui s'est le plus illustré hors Nouveau-Brunswick, Amélie Hall, qui connaît une année exceptionnelle, vraiment, là, ça va très bien avec son album « Cultiver l'amour », on va l'entendre « Au bout du monde », ça s'en vient également. On va aussi entendre « Joie de vivre » en artiste solo, c'est Julie Aubé qui, le temps de quelques semaines, quelques mois, a enregistré un album solo, Joie de vivre. On va entendre la pièce Seras-tu là? Julie Aubé qui fait partie des ABBs. Mais pour l'instant, voici Danny Boudreau, Avant l'hiver, à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Tourne le vent. Tourne les feuilles, tourne comme tourne un enfant qui se croit l'œil de l'ouragan. Toutes les couleurs de l'univers se sont rassemblées tout à l'heure avant l'hiver et ses froideurs. Moi, je n'ai pas peur de l'hiver, de ses rafales, ses poudreries. Moi, je n'ai pas peur de l'hiver, et les grands vents du bord de mer. Je m'en languis, c'est un peu qui je suis. Et les oiseaux, ils se chamaillent pour savoir qui sera devant et les détails d'embarquement. Dans la clameur, un bruit d'enfer, ils seront partis tout à l'heure avant l'hiver et ses froideurs. Moi, je n'ai pas peur de l'hiver, de ses rafales, ses poudreries. Moi, je n'ai pas peur de l'hiver et les grands vents du bord de mer. Je m'en languis, c'est un peu qui je suis. J'aime les flammes de feu de bois, j'aime ta chaleur quand tu te blottis contre moi. Peur de l'hiver, de

voir sa face dans le métro, un passé passé incognito. Dis-moi pas que tu m'aimes, juste parce qu'il faut. Ce n'est pas mon premier radio, des nouvelles faces et des numéros, et seulement le tien qui me revient en écho. Julie Aubé, des Hey Babies, son album solo s'est mérité l'album artiste solo de l'année au prix de la musique NB au Nouveau-Brunswick. Et, c'est l'album Joie de vivre, sûrement disponible à Distribution Plage, plage avec un S.net. On va poursuivre et terminer avec une chanson de Accro de la chanson 14. C'est Anyways de Amélie Galant qui s'en vient dans quelques instants. Juste pour vous dire que ben on entame là, c'est l'automne, on est à l'école, les jeunes sont à l'école. Donc on lance Accro de la chanson 15e édition de ce concours de chansons dans les écoles du Nouveau-Brunswick fait par la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick. Tout simplement faire accro de la chanson, je pense que c'est .com ou .ca, mais accro de la chanson sur Google et vous allez tomber dessus. C'est un concours pour les jeunes groupes, les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes qui font du stock en français, de la musique en français. Ils invitent les jeunes à faire de la musique en français. Et c'est génial. Il y a plusieurs artistes de l'Acadie qui sont passés par là, entre autres les trois filles des Hey Babies. Donc, allez faire un tour sur Accro de la chanson et inscrivez-vous, chers amis. On va écouter Amélie Galant, qui était de l'édition 2018. Voici Anyways! Année qui vient de passer, c'est presque impossible de les compter. Tu t'en vas où? Tu t'en vas loin, en tout cas, moi je sais pas trop, ben non. Les murmures de tes souvenirs qui pensaient s'en aller pour le pire. Dans ma tête, j'entends toujours les chansons d'amour qu'on chantait à nous deux, sans dire adieu. Anyway, moi je serai pas médecin. Anyway, c'est certainement pas mon destin. Anyway, ton plan était plus clair que mien. En tout cas, ben moi je manquerai pas mon train. Se chausser les pieds, parce qu'aller aux études post-secondaires, ça veut dire des gros béquilles que de chasse et des belles années. Prête à s'enjoy. Thank you. tu rencontres l'amour de ta vie, puis celui-ci, tu vas te sourire. Anyway.